Robert découvrit, dans un nid formé de racines entrelacées, une paire de poules sans ailes et sans queue, avec quatre orteils aux pieds, un long bec de bécasse et une chevelure de plumes blanches sur tout le corps. Animaux étranges qui semblaient marquer la transition des ovipares aux mammifères. C'était le kiwi zélandais. Cet oiseau est spécial au pays, à peine a-t-on pu l'introduire dans les jardins zoologiques d'Europe. Cependant, la petite troupe descendait sans fatigue les rives du Waipa. À 4 heures du soir, 9000 avaient été gaillardement enlevés. Suivant la carte que Paganel consultait incessamment, le confluent du Waipa et du Waikato devait se rencontrer à moins de 5000. Là passait la route d'Auckland. Là, le campement serait établi pour la nuit. Quant aux 50 000 qui les séparaient de la capitale, 2 ou 3 jours suffisaient à les franchir. Et 8 heures ou plus, si Glenarvan rencontrait la belle poste qui fait un service bimensuel entre Auckland et la baie Hawkes. 2 heures après, les premières ombres du soir commençaient à descendre des montagnes. Les sommets éloignés de l'est s'empourprèrent des derniers feux du jour. Ce fut comme un rapide salut à l'adresse des voyageurs. Glenarvan et les siens hâtèrent le pas. Mais un épais brouillard se leva de terre et rendit très difficile la reconnaissance de la route. Heureusement, Louis remplaça la vue. À 8 heures, la petite troupe arrivait à ce point où le Waipa se perd dans le Waikato, non sans quelques mugissements des ondes heurtées. Soupons, dit Paganel, mais sans allumer un feu. Nous sommes arrivés ici incognito, tâchons de nous en aller de même. Le souper froid fut absorbé sans bruit, et bientôt un profond sommeil s'empara des voyageurs fatigués par une marche de 15 000.